Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de Pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, dans la chronique, je vous parle des termites, insectes sociaux souvent boudés au bénéfice des fourmis, responsables de la destruction de nombreuses charpentes, mais aussi formidables bâtisseurs. J'aurai ensuite la chance de recevoir deux invités, Dean Dipita, doctorant au laboratoire de biologie et physiologie des organismes animaux de la faculté des sciences de l'université de Douala, au Cameroun, et Stanislas Zanvo, doctorant au laboratoire d'écologie appliquée de l'université d'Abomey Calavi, au Bénin. Tous deux travaillent également au sein d'un projet bien particulier, le projet Pango Go, piloté par Philippe Gobert, chercheur au laboratoire Évolution et Diversité Biologique de l'université Paul Sabatier de Toulouse. Ils viennent aujourd'hui nous parler d'un animal unique qui a défrayé la chronique cette année car suspecté d'être impliqué dans la transmission de la maladie du Covid-19. Je veux bien sûr parler du pangolin. Bonjour Dean, bonjour Stanislas et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Dans le règne animal, il existe chez certaines espèces bien particulières une organisation que l'on dit eusociale. Dans ces sociétés, le travail est divisé entre groupes d'individus que l'on appelle castes et qui ont un rôle bien précis. La reine donne naissance à tout le monde. Les mâles, bien souvent, ne font pas grand-chose d'autre que se reproduire et les ouvrières s'occupent de toutes les tâches au sein de la colonie. S'occuper des plus jeunes, entretenir le nid, en défendre l'accès et aller chercher de la nourriture. À l'exception du rat taupe-nu, un mammifère à la plastique toute particulière, et certaines espèces d'écrevisses, l'eusocialité concerne le plus souvent des insectes. Et chez les insectes sociaux, certains ont plus la cote que d'autres. Les fourmis fascinent grâce à leur coopération efficace, leur communication chimique poussée et leur force extraordinaire. Les abeilles, elles, sont adulées pour leur action de pollinisation des fleurs et leur impact bénéfique sur la biodiversité. En plus, elles produisent du miel que nous consommons depuis des millénaires et elles sont poilues et choupies. Mais qu'en est-il des termites? Insectes xylophages, destructeurs de charpentes, on les voit bien souvent comme une calamité. Méritent-ils réellement un tel désamour? Souvent comparés aux fourmis avec qui la cohabitation est parfois houleuse, les termites, autrefois appelés à tort fourmis blanches, sont en réalité bien différents de ces dernières. Déjà, d'un point de vue phylogénétique, les termites sont en réalité proches de la famille des blattes. Les autres insectes eusociaux, fourmis, abeilles et guêpes sociales, auraient évolué à partir de guêpes prédatrices solitaires. C'est en tout cas l'annonce tonitruante que faisait l'équipe de Deegan Inward dans le journal Biology Letters en 2007. Les différences ne s'arrêtent pas là. Alors que les fourmis sont connues pour être des chasseresses opportunistes, mangeant un peu tout ce qu'elles trouvent, les termites de leur côté se nourrissent uniquement de cellulose, que l'on retrouve dans le bois et les déchets végétaux. Ce sont donc des détritivores qui jouent un rôle écologique essentiel. Contrairement aux fourmis qui s'aventurent facilement à l'extérieur de leur nid, les termites fuient la lumière et la majorité des ouvriers et ouvrières sont aveugles. Enfin, fourmis et termites divergent largement au niveau de leur organisation sociale et de leur développement. Chez les termites, il y a un couple royal fidèle, un roi et une reine, qui sont les parents de toute la colonie. Tous leurs petits, mâles et femelles, sont issus d'œufs fécondés, ce qui veut dire que chez les termites, les ouvriers et ouvrières sont des deux sexes. Ce n'est pas le cas chez les fourmis, où seules les femelles sont issues d'œufs fécondés et où les ouvrières sont exclusivement féminines. Les fourmis mâles sont uniquement affectées à la reproduction et ne jouent aucun autre rôle au sein de la colonie. Aussi, alors que chez les fourmis, les larves subissent une métamorphose complète, passant du stade œuf à larve, puis de nymphe à fourmi, les termites, eux, passent par une métamorphose incomplète. Lorsque le bébé termite sort de l'œuf, il ressemble déjà à un adulte miniature. Il n'y a pas d'autre stade intermédiaire, il va grandir par mues successives jusqu'à atteindre sa taille adulte. Très jeunes, les termites sont donc capables de travailler, voire même de se reproduire. Certaines larves, dites néoténiques, conservent l'aspect de leur prime jeunesse, mais peuvent s'accoupler malgré tout. D'autres développent des ailes et pourront prendre part au vol nuptial pour s'accoupler et aller établir une nouvelle colonie ailleurs. Du point de vue de leur écologie, on peut regrouper les termites en deux grands groupes, comme le souligne Judith Korb dans sa review parue en 2007 dans le journal Current Biology. Le premier groupe est le plus redouté pour nos habitations. Ce sont les termites qui creusent le bois. Les insectes s'installent pour toute leur vie dans un tronc ou une charpente et sculptent leur abri directement dans leur source principale de nourriture. Le réseau de galeries et l'installation de tout ce petit monde peut avoir des conséquences funestes si l'habitation est partagée, disons, avec des humains. Une estimation faite en 2005 évaluait à 50 milliards de dollars américains les dégâts causés par les termites dans le monde. Ouch. Les autres termites sont des fourrageurs. Ils vivent dans un nid, plus ou moins bien distinct du sol, et vont à l'extérieur de la colonie pour trouver les déchets végétaux dont ils se nourrissent. 80% des termites appartiennent à cette seconde catégorie. Certaines termitières sont souterraines, mais d'autres culminent sous forme de buttes massives qui peuvent s'élever jusqu'à 8 mètres de haut au-dessus de la surface et mesurer jusqu'à 30 mètres de diamètre. Plutôt impressionnant pour des insectes de 4 mm de long qui agglomèrent l'argile et le sable avec leur salive et leurs petites mandibules. Mis à part leur aspect impressionnant, les termitières semblent jouer d'autres rôles que celui de maison pour les termites. Plusieurs études ont démontré que ces bâtisses jouent un rôle dans la réhabilitation d'habitats dégradés, notamment au niveau de la qualité du sol et ses capacités à retenir l'eau. Une étude récente parue en 2020 par Eli Apadonou et ses collaborateurs dans le journal African Journal of Ecology a démontré que la présence de termitières a un impact positif sur les boées, des sols appauvris formés par l'érosion, la sécheresse et la déforestation, que l'on trouve beaucoup en Afrique australe. L'étude de 84 termitières, grandes et petites, révèle que la profondeur du sol est plus importante à proximité des termitières, ce qui va dans le sens d'un travail de restauration du sol par les insectes. On trouve aussi une plus grande richesse d'espèces végétales près des constructions des termites, ce qui prouve également l'implication bénéfique de ces animaux dans leur milieu. Mais ce n'est pas tout. Non content de préserver le sol et la biodiversité locale, les termites innovent. Les termitières sont des modèles de construction ergonomique à plus d'un titre. Les galeries les plus profondes de la termitière peuvent s'enfoncer jusqu'à 2 mètres de profondeur dans le sol, jusqu'aux réserves d'eau souterraines. Ainsi, grâce à cette connexion, l'humidité et la fraîcheur sont assurées pour la construction. De plus, les insectes aménagent au-dessus de leur zone d'habitation une cavité, qui permet une extraordinaire régulation de la température intérieure. Grâce à des cheminées qui donnent vers l'extérieur, l'air chaud sort en hauteur, alors que l'air frais rentre plus bas, par des ouvertures latérales. Les insectes ouvrent et bouchent régulièrement de nouvelles galeries pour permettre la ventilation de leur abri. On mesure à l'intérieur de la termitière une température constante de 23 degrés environ, alors que la température extérieure peut dépasser 40 degrés. Une technique si ingénieuse qu'elle a inspiré les concepteurs humains pour bâtir des constructions écologiques, ventilées de manière passive, sans climatisation et à moindre coût. C'est par exemple le cas de l'Eastgate Center, bâti dans la ville d'Harare, au Zimbabwe, et conçu par l'architecte Mike Pierce. On estime que l'Eastgate Center ne consomme que 10% d'énergie par rapport à un bâtiment de taille comparable qui utiliserait un système de climatisation. Pas de doute, le génie est dans la nature. Formidable bâtisseur, ingénieur inventeur, sauveur du sol et de la biodiversité, les termites sont loin de n'être que des nuisances destructrices à éradiquer. Uniques en leur genre, ils contribuent déjà à réhabiliter des zones abîmées par l'humain. Plus qu'à les laisser faire, garder espoir et toucher du bois. Revoici avec nos deux invités qui viennent de loin pour discuter avec moi aujourd'hui. Je reçois Dean Dipita, doctorant au laboratoire de biologie et physiologie des organismes animaux de la faculté des sciences de l'université de Douala au Cameroun. Vous avez bénéficié d'une bourse de mobilité octroyée par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Cameroun pour venir plusieurs mois au sein du laboratoire Évolution et diversité biologique de l'université Paul Sabatier à Toulouse pour votre thèse. J'ai aussi la chance d'avoir mon micro Stanislas Zanvo, doctorant également au laboratoire d'écologie appliquée de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Et de votre côté, vous avez pu bénéficier de la bourse ARTS de l'Institut de Recherche pour le Développement, une bourse qui vous permet de mener votre travail de doctorat en co-tutelle entre l'université Paul Sabatier de Toulouse et l'université d'Abomey-Calavi. Tous deux, vous travaillez sur le projet Pango Go, un très gros projet international financé par une bourse de l'Agence nationale de la recherche et piloté par Philippe Gobert, chercheur au laboratoire EDB de Toulouse. Bonjour et bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour à nouveau. Alors, on l'a dit, enfin, on va vite le comprendre. On va parler aujourd'hui d'un animal très particulier. Et pour bien le cerner, j'aimerais commencer par quelques généralités. Le pangolin. Beaucoup de gens ont entendu parler, peu de gens savent vraiment comment il vit. C'est un peu la magie de la radio. Il va falloir décrire et créer les images. Un pangolin, à quoi ça ressemble? Quelles sont ses particularités? Le pangolin, en fait, c'est un mammifère qui a la particularité d'être recouvert par des écailles. Alors, c'est un mammifère qu'on retrouve dans les pays asiatiques et les pays africains. D'accord. Subsaharien, particulièrement en Afrique. Le pangolin, c'est un animal qui a la taille d'un petit chien, d'un oulakoud en quelque sorte, et qui se nourrit de termites et de fourmis. Du fait de ce régime alimentaire-là, il a une longue langue qui est disproportionnée par rapport à la taille de son corps, et il ne possède pas de dents au niveau de ses mandibules. En Afrique, par exemple, c'est un animal qu'on va retrouver dans des forêts tropicales ou dans des zones subtropicales. Voilà en gros à quoi ressemble le pangolin d'un point de vue morphologique. Et donc vous disiez, on trouve donc à la fois des espèces asiatiques et des espèces africaines. Combien est-ce qu'on a d'espèces de pangolins au monde, Stanislas? Jusqu'à l'heure où nous parlons, 8 espèces de pangolins sont décrites à travers le monde. D'accord. 4 en Afrique, 4 en Asie. En Afrique, nous avons le pangolin à ventre blanc, le pangolin à ventre noir. Nous avons également le pangolin géant et le terminqué, qui est le pangolin terrestre, qu'on retrouve un peu dans la zone du Sud-Afrique, Zimbabwe, un peu, oui. Voilà, 4 espèces qui se retrouvent en Afrique. Et en Asie, il y a 4 autres espèces. Il y a le pangolin chinois, il y a le pangolin de Philippines, il y a le pangolin également de l'Inde et le Sunda pangolin. Oui. Donc c'est, voilà à peu près les 8 espèces qu'on et pangolins au niveau de leur comportement, est-ce qu'il y a des grosses différences? Parce que par exemple, là, vous parlez du pangolin géant. Oui. Est-ce qu'il grimpe aussi aux arbres, par exemple? Non, effectivement, par rapport à leur comportement. Il y a certaines espèces qui sont à dominance, arboricoles, c'est-à-dire qui vivent beaucoup plus sur les arbres et quand même descendent aussi. Mais ces espèces sont à dominance arboricole. Si je prends par exemple le pangolin à ventre blanc et le tétradactyle, ces deux espèces sont connues pour être des espèces à dominance arboricole. Et contrairement par exemple au terminqué et au pangolin géant qui sont à dominance terrestre par exemple. Est-ce que vous travaillez sur la même espèce tous les deux ou pas du tout? Alors moi, je travaille en partie sur la même espèce que lui, qui est le pangolin commun ou le pangolin à ventre blanc, d'accord, le Phatagenus tricuspis. Donc, mais une autre partie de ma thèse concerne tous les autres mammifères qu'on va retrouver dans les marchés de viande de brousse au Cameroun. Donc, pas forcément que des pangolins, ça peut être d'autres mammifères. Mais le pangolin occupe une grande partie de la plus grande de ma part. Thèse, oui. Comme il le dit, effectivement, on partage le pangolin à ventre blanc en commun pour nos études. En fait, on a fait un choix de travailler sur cette même espèce à la fois. Non. Cela dépend aussi de la ressource qui existe dans chaque pays, en fait. Oui, complètement. Au Bénin, par exemple, moi, j'ai commencé ma thèse sur les pangolins en général. D'accord. Et donc, par exemple, le premier objectif de thèse, c'est de voir quelles sont ces espèces de pangolins qui existent réellement. Et jusqu'à l'heure où moi, j'ai commencé ma thèse, parce qu'il y avait, il y a 2 espèces qui sont généralement rapportées dans la littérature, le pangolin à ventre blanc et le pangolin géant. Et donc, il fallait faire quand même l'état des lieux avant de continuer avant de passer à la biologie moléculaire. Et de là, par rapport à nos premiers résultats, on a constaté qu'au fait, le pangolin qui est vraiment disponible sur le marché, qui est vraiment disponible au Bénin dans les aides d'occurrence du pangolin, c'est le pangolin à ventre blanc. Et ce qui a fait que bon, tout ce que je fais en biologie moléculaire est uniquement focalisé sur cette espèce-là. Mais par exemple, le pangolin, donc c'est un animal qui est plutôt discret, qui n'est pas forcément facile à observer. Bien sûr. Est-ce qu'ils vivent la nuit, le jour? On ne va pas dire vivre la nuit, le jour. En tout cas, le pangolin vit. Oui, que ce c'est soit sûr. La nuit ou le jour, le pangolin vit. Mais le pangolin est beaucoup plus actif la nuit. D'accord. C'est la nuit que le pangolin va se déplacer beaucoup pour aller chercher de la nourriture. Mais par contre, le jour, le pangolin est généralement au repos dans les creux des arbres. Si je peux parler du pangolin, arboricole. Donc rien que ça, en fait, vu que c'est un animal qui est quand même principalement actif la nuit, rien que pour faire un état des lieux des espèces présentes dans un pays, j'imagine que c'est déjà assez fastidieux, c'est déjà plutôt long. Oui, c'est en tout cas les équipes de recherche qui travaillent actuellement, c'est un travail qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup de présence sur le terrain. Et aujourd'hui, plusieurs techniques sont explorées. Certaines ont déjà fait l'objet de nombreuses publications. Mais la biologie du pangolin reste encore à être étudiée, à être examinée. Et du coup, des projets comme Pangogo et bien d'autres sont en cours pour justement apporter davantage de réponses aux questions qu'on se pose sur leur comportement, sur leur biologie. Du coup, je me demandais, au niveau des habitants qui peuvent côtoyer les pangolins, est-ce qu'ils les croisent régulièrement ou est-ce que c'est des animaux qu'ils ne voient pas souvent? Quel rapport les locaux ont avec cet animal? En fait, au niveau local, tout le monde connaît quand même, parce que moi j'ai fait quand même le tour de mon pays. Dans toutes les aires d'occurrence de l'animal, les populations locales, elles connaissent l'espèce. Par contre, croiser le pangolin à tout moment, non, je ne peux pas le dire. Le pangolin n'est pas une espèce très très abondante. Et de surcroît, c'est un animal qui vit, c'est-à-dire qui est très actif la nuit. Et donc, ceux qui croisent beaucoup plus le pangolin, c'est généralement les chasseurs. Et pas tous les chasseurs aussi, parce qu'il y a des chasseurs de nuit, comme il y a des chasseurs de jour. Et c'est ceux qui vont dans les forêts pour faire la chasse la nuit qui croisent généralement le pangolin. Au Cameroun, l'aire de distribution ou de répartition de cette espèce couvre 8 des 10 régions du pays. Donc, en gros, on ne va pas en trouver au nord et à l'extrême nord du pays, globalement. Dans les zones rurales, surtout les zones rurales forestières, tout le monde, pratiquement, de manière générale, 80% des personnes interrogées dans ces zones-là connaissent le pangolin. Les chasseurs, pour la plupart, maîtrisent aussi, font les différences entre les trois espèces de pangolins qui existent au Cameroun. Le pangolin commun, le pangolin géant et le pangolin à ventre noir ou à longue queue. Donc, en milieu urbain par contre, seuls ceux, du moins ceux qui ne vont pas au village ou ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller dans des gargotes ou d'aller dans des marchés pour en observer, ne vont pas effectivement maîtriser la morphologie, ne vont pas pouvoir reconnaître cet animal. Mais sinon, au terme des enquêtes que nous avons menées, que ce soit dans les zones urbaines ou dans les zones rurales, nous pouvons affirmer avec certitude qu'au moins 60 à 70% de la population interrogée maîtrise effectivement le pangolin. Mais la plupart des gens qui l'ont vu sont ceux qui le recherchent vraiment spécifiquement pour le chasser finalement. Pas forcément au Cameroun. Ouais, okay. Parce que culturellement, la plupart des gens en zone rurale sont habitués à côtoyer des animaux sauvages, donc entre autres le pangolin, pour des raisons nutritionnelles, en tant que repas. Oui, il est consommé complètement. Il est consommé donc justement pour sa viande. Maintenant, en ville, c'est différent. Il y en a qui vont venir pour du repas, ce sera considéré comme un mets de luxe, un mets d'occasion rare. Et il y en a certains qui vont venir plutôt pour, par exemple, des écailles et autres. Et là, c'est un autre contexte, c'est un autre circuit. Mais sinon, la plupart des gens connaissent le pangolin comme une très bonne viande, une viande délicieuse qu'ils pourront consommer, soit dans des occasions particulières, soit régulièrement lorsqu'ils ont l'occasion de tomber sur cette espèce-là dans les zones rurales. Mais là, on parle beaucoup de zones rurales. Vos deux pays, le Cameroun et le Bénin, sont quand même des pays avec des superficies assez importantes. Donc j'imagine qu'entre des zones où on attrape les pangolins et les zones urbaines où on peut les acheter, il y a quand même des grandes distances à parcourir. Comment se font ces transports? Comment ça s'organise entre les gens qui vont attraper ces animaux et l'endroit où ils vont être commercialisés? Est-ce que c'est à l'échelle individuelle? Est-ce que juste la personne qui a attrapé un pangolin va l'amener au marché le plus proche pour le vendre? Ou ce sont d'autres circuits? Quelqu'un qui va capturer un pangolin se déplace avec le pangolin pour un marché donné. Il y a ça, mais il y a d'autres qui vont vers, par exemple, ces chasseurs dans les milieux ruraux pour quand même s'approvisionner en pangolin. Pour ce commerce, il y a des chasseurs qui constituent quand même, qui sont ceux qui iront chercher le pangolin, par exemple, dans les forêts. Et lorsqu'ils vont capturer ces pangolins, ils peuvent les convoyer vers des marchés aussi bien. Par exemple, si je prends le cas du Bénin, il y a des marchés aussi bien qui sont très proches des milieux ruraux, okay. Mais il y a d'autres marchés qui sont en milieu urbain. Et dans ce cas encore, il y a deux types de marchés. Il y a les marchés de viande de brousse et il y a également les marchés de médecine traditionnelle. Et donc, une fois le pangolin capturé dans la forêt par un chasseur, si le chasseur veut vendre son pangolin, le chasseur convoie ce pangolin vers la ville, soit par lui-même ou bien il y a des intermédiaires qui vont essayer de l'aider pour le transport. Par contre, il y a d'autres, par exemple, les acteurs des marchés de médecine traditionnelle du monde. Ces acteurs vont des fois à la rencontre de ces chasseurs dans les milieux ruraux pour alors collectionner tout ce qui est, par exemple, spécimen, que ce soit le pangolin vivant, mais également les dérivés d'un pangolin. Par exemple, les écailles qui sont conservées. Et donc, eux autres, ils vont collecter tout ça pour venir les vendre en détail dans les marchés. En fait, il n'y a pas forcément de grande distance entre le moment où l'animal est capturé et le moment où il est vendu. Ça peut être un marché juste à côté. Au Cameroun, en fait, les circuits de commercialisation du pangolin, parce que c'est vraiment le fond de ma thèse, les circuits de commercialisation du pangolin sont de plus en plus complexes. Et du coup, on va avoir plusieurs chaînes. Des chaînes qui vont aller du chasseur directement au consommateur, donc à celui qui va manger de la viande. Des chaînes qui vont aller du chasseur directement au revendeur, ceux qui vont revendre aux consommateurs, par exemple. Des chaînes qui vont cette fois passer plutôt par des intermédiaires qui sont des collecteurs qui peuvent être des transporteurs, des collecteurs qui peuvent être, entre guillemets, des braconniers, donc des gens qui viennent avec soit des véhicules, des motos, transporter de la viande dans des zones rurales ou dans les zones où le gibier est chassé pour les amener en ville et les vendre soit aux commerçants, soit approvisionner les trafiquants qui vont cette fois-là agir à l'échelle internationale. Et il y a bien d'autres trafics, mais la chaîne la plus importante qui existe au Cameroun, c'est celle où un collecteur va vers les chasseurs, va vers ceux qui capturent les spécimens et revient en ville, les revend aux revendeuses ou fournit les différents réseaux qui vont ensuite les acheminer vers l'extérieur. La particularité aussi, c'est que le commerce urbain est concentré dans deux principales villes au Cameroun, du moins c'est le point de chute. Ce sont les villes de Douala et de Yaoundé. Et autour de ces villes-là, on a quand même encore actuellement des massifs forestiers plus ou moins importants avec une forte diversité d'espèces. Du coup, on va retrouver sur les marchés des spécimens qui vont majoritairement venir des forêts les plus proches, parce que c'est moins cher à transporter, c'est plus facile pour éviter les contrôles anti-braconnage et autres. Mais de temps en temps aussi, pour un pourcentage par exemple de 30 ou 40%, on va avoir des spécimens qui vont venir des forêts beaucoup plus éloignées. Et puisque au Cameroun, la plupart des villes sont reliées par des routes plus ou moins bien praticables, c'est facile de transporter ces spécimens-là des zones où les individus sont capturés vers des zones où ils seront commercialisés ou mangés. Ça, c'est dans le cadre du commerce urbain ou du commerce national. Et il y a d'autres commerces qu'on va apporter juste après. Exactement. Et du coup, au Bénin, est-ce qu'il y a la même genre de choses? Est-ce qu'il y a des gros marchés qui sont proches de forêts ou de zones où on peut attraper les pangolins directement ou c'est assez différent? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, quand je prends le marché, un grand marché de viande de brousse dans le sud, juste à côté d'un habitat, du seul habitat du pangolin dans le sud bénin, qu'on appelle la forêt de la Lama. Il y a un marché de viande de brousse qui est érigé là. Mais toujours est-il que sur, généralement, ce marché, vous ne verrez jamais le pangolin comme ça. D'accord. Vous ne verrez jamais cela, puisque le pangolin est protégé et les chasseurs, les acteurs de ces marchés sont conscients qu'on ne peut pas exposer un pangolin. Sur un étal. C'est quoi. Ça. En fait, vous ne verrez pas de pangolin sur les marchés de viande de brousse, non. Mais sur les marchés de dépouille, quand je parle de matière de dépouille, c'est les marchés de médecine traditionnelle. Ouais. Vous pouvez voir, par exemple, des spécimens d'un pangolin. Tant que le pangolin franchit les limites, il peut se retrouver sur ces marchés, il n'y a plus de répression, les gens ne sont plus contraints à... n'ont plus de compte à rendre, si je peux le dire ainsi. Et lorsque la question était de... est-ce que la distance pouvait influencer le commerce ? La distance, oui, la distance peut influencer. Mais actuellement, en fait, comme je le disais, moi, j'étais vraiment resté sur le terrain avec la population locale. Il y a ces acteurs-là qui sont des marchés traditionnels de médecine, avec un petit coup de fil, et peuvent demander à ce qu'on leur trouve tel échantillon, telle espèce, telle autre espèce. Et donc, tout se passe en réseau, au fait. Ils savent comment conserver, ne serait-ce que pour une petite période, jusqu'à ce que l'acteur au bout de la chaîne qui doit acheter revienne quand même à retirer ces produits-là. Et donc, la distance, oui, ça influence, mais je mets toujours un mais, comme c'est un réseau qui est bien établi, alors toujours dit que le commerce, ça se fait toujours. Parce que même dans le sud, il n'y a pas autant de pangolins, il n'y a pas autant d'habitats de pangolins dans le sud Bénin. Mais pour autant, les plus grands marchés, il y a pas de... Moi, j'ai fait un recensement en 2019, j'ai retrouvé 42 marchés de médecine traditionnelle. Dans tout le Bénin ? Dans le sud et le centre. Juste dans le sud et le centre. Dans le sud et le centre. Mais parce que, effectivement, c'est des zones où les gens utilisent beaucoup ces marchés pour faire le commerce. Sinon, dans le nord, non, ces marchés sont rares. Mais il y a vraiment une distinction au Bénin, en tout cas, entre les marchés vraiment de viande de brousse et de pharmacopée, de médecine. Oui. Et là, pour le coup, même si, alors, on va y revenir, mais le pangolin est protégé dans vos deux pays, aussi bien au Cameroun qu'au Bénin. Mmh. Mais du coup, sur ces marchés de médecine, au Bénin, on ferme un peu les yeux. C'est-à-dire que pour la médecine, c'est pas toléré, mais ça passe. En fait, toujours être exclu. Par exemple, moi, j'ai eu à discuter beaucoup avec ceux des marchés traditionnels de médecine. J'étais resté vraiment avec eux. C'est des gens qui ont peur du forestier, en fait. Mais ils ont peur du forestier. Mais leur peur, c'est comment faire pour que convoyer le pangolin du point de la zone de chasse jusqu'au marché. Tant que le produit entre, c'est-à-dire sur le marché, vient sur le marché, c'est fini. Ouais. Allez, il ne faut pas qu'il se fasse prendre avant d'arriver au marché. Quoi. En fait, c'est des marchés aussi qui sont... C'est un peu culturel, au fait. Le Bénin est souvent reconnu à l'international comme un pays de vaudou, au fait. Et donc, les pratiques liées à ce vaudou, c'est des pratiques dont... Par exemple, la matière première pour quand même réaliser, pour faire ces pratiques, c'est également la faune sauvage. Et donc, au niveau même de l'État, reconnaît ces marchés-là, parce que ça rentre dans la culture. Oui. D'autant plus que, par exemple, le vaudou est célébré tous les 10 janvier. D'accord, donc, il y a une journée. Il y a une journée, c'est ça. C'est célébré tous les 10 janvier. Donc, ces marchés, oui, qui participent quand même à l'exploitation... je peux dire un peu abusif de la faune sauvage, mais quand même ont une connotation culturelle qui reste quand même un peu liée, c'est-à-dire à notre culture, je vais dire. Oui, complètement. Oui. Qui est vraiment propre au Bénin. Oui, propre au Bénin. Au Cameroun, c'est bien sûr intégralement protégé et interdit de commerce. Et les commerçants n'ont aucun passe-droit face à cette loi-là. Donc, il n'y aura pas un marché. Du moins, quand je parle de marché, je parle des zones aménagées dans des grands marchés camerounais où on va retrouver un espace dédié au commerce des animaux sauvages, du moins des animaux sauvages morts ou vivants. Voilà. Donc, il n'y a pas de passe-droit, en quelque sorte. Mais sauf que la viande de brousse, comme Stan l'a dit tout à l'heure, c'est un repas, c'est culturel, en fait. Il y en a beaucoup qui le mangent, ça n'a pas toujours été plutôt pour vendre, pour exporter et autres, c'est d'abord culturel. Et beaucoup, en zone urbaine, ils n'ont connu que ça, quoi. Donc du coup, quand ils étaient petits, ils n'avaient pas beaucoup de viande d'origine domestique, ou du moins la proportion de viande domestique dans leur repas n'était pas égale à celle sauvage. Donc beaucoup ont connu plutôt de la viande sauvage. Du coup, dans les agents de la lutte anti-braconnage sont souvent confrontés à ce double dilemme. Si on met à part le réseau de commerce qui, lui, est là pour se faire des profits, des gros profits parfois, ils sont confrontés à des familles ou à des femmes qui vendent pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, parce que généralement, elles ont toute une grande famille derrière eux qui vit de ça. Aussi, de ceux qui vont en consommer pour répondre à un besoin nutritionnel précis dans certaines zones rurales. Ils sont confrontés. Du coup, de temps en temps, régulièrement, ils font des descentes pour les saisir, ils menacent, ils intimident et autres. Mais malheureusement, ça reste insuffisant par rapport à l'ampleur de la situation, quoi. Du coup, on penserait que ces agents-là, ils devraient descendre dans un marché, tout prendre et après ça s'arrêtait. Non, ça, non, ça comme tout trafic, ça. C'est pas comme ça que ça marche. Et progressivement, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais le trafic demain, il reste permanent. Et du coup, au Bénin, c'est la même chose. Le pangolin est aussi protégé, j'imagine. Oui, le pangolin est protégé par la loi. Et lorsqu'on te prend avec un pangolin, c'est de, je crois, de 5 000 à 500 000, non, avec au moins 5 ans d'emprisonnement. Une peine déjà importante. Oui, tout le monde le sait. Hein. Même dans les milieux ruraux, tout le monde est informé. Il suffit d'aller leur parler du pangolin. Moi, je me souviens, quand je viens dans chaque village, ma première question, lorsque je sors mon poster pour dire, voilà, est-ce que vous avez cet animal dans votre milieu? Déjà, c'est que les gens, ils ont peur du forestier, ils savent que le forestier, parce que... Et apparemment, ils ont été suffisamment informés par rapport au pangolin. Ils ont tout le dire. Ah, les forestiers disent que cet animal ne cause pas de dommages aux cultures. Ouais, ok. C'est ça. Parce que c'est quand même, c'est l'espèce qui se nourrit de fourmis et de termites. Et donc, eux tous, ils se sont informés. Et donc, qui leur a donné ces informations, ils vont te le dire, c'est le forestier. Ils vont te prendre parce qu'ils vont te dire que le pangolin ne cause aucun dégât, c'est-à-dire aux cultures. Et donc, personne ne doit quand même toucher au pangolin. Donc, s'ils sont informés ainsi, alors ça veut dire qu'il y a un message qui est passé. C'est un peu partout. Eh bien, on vous laisse swinguer le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. Le lion amoureux. À Mademoiselle de Sévigné. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle et qui naquitte toute belle. À votre indifférence près, pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable et voir, sans vous épouvanter, un lion qu'amour sut dompter. Étrange maître. Heureux, qui peut ne le connaître que par récit, lui, ni ses coups. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir. Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds s'offrir par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non? Puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence et belle hure outre cela. Voici comment il en alla. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra Bergère à son gré. Il la demanda en mariage. Le père aurait fort souhaité quelques gendres un peu moins terribles. La lui donner lui semblait bien dure. La refuser n'était pas sûr. Même un refus eût fait possible qu'on eût vu quelques beaux matins un mariage clandestin. Car outre qu'en toute manière la belle était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père donc, ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit: ma fille est délicate. Vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte, on vous les rogne. Et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes et pour vous plus délicieux. Car ma fille répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. Le lion consent à cela, tant son âme était aveuglée. sans dents ni griffes, le voilà comme place démantelée. On lâche sur lui quelques chiens, il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu, prudence. C'était Fred Palem et le Sacre du tympan raconte Jean de La Fontaine avec le morceau Le Lion amoureux feat Barbara Carlotti au chant. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission Le Nid de Pie. Et je reçois deux invités, Dean Dipita, doctorant au laboratoire de biologie et physiologie des organismes animaux de la faculté des sciences de l'université de Douala au Cameroun, et Stanislas Zanvo, doctorant au laboratoire d'écologie appliquée de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Tous deux travaillent également au laboratoire Évolution et diversité biologique de l'Université Paul Sabatier de Toulouse au sein du projet Pango Go, un très gros projet international piloté par Philippe Gobert qui vise à mettre en place des outils de suivi permettant le traçage du commerce local et global des pangolins. Alors, on en discutait largement avant la pause. Le pangolin est malheureusement connu comme étant le mammifère le plus braconné au monde. Est-ce que on a des chiffres? Est-ce qu'on peut estimer le nombre de pangolins braconnés par an? Parce que là, on parlait de commerce assez locaux, du coup on se dit, bon, si c'est pangolin par pangolin, ça reste dans des petites proportions. Mais en vrai, à quoi ça ressemble? Il y a beaucoup de chiffres actuellement. L'estimation qui me semble un peu plus, je ne vais pas dire plus correcte, mais quand même qui est récente, c'est une estimation de Dan Challenger et ses collaborateurs en 2019, une estimation basée sur les saisies. Sur 1474 saisies, et c'est uniquement les saisies, donc du commerce illégal en fait. Donc c'est dans des douanes, c'est dans les aéroports. C'est ça, et c'est les dérivés du pangolin, donc les écailles. Et donc c'est 1474 saisies sur une période de 20 ans, c'est-à-dire de 2000 à 2019. Il a été estimé 895 000 pangolins. 895 000 individus. Donc presque un million d'animaux. C'est ça. Et donc, si je rapporte ce nombre, par exemple, aux 10 ans, alors ça me fait quelque chose de, je crois, 44 750 individus par an. Ah, et c'est énorme. Et ça, ce n'est rien que pour le commerce illégal. Parce qu'il y a aussi également le commerce basé sur où les gens ont les permis CITES et autres. Et ça, bon, je sais qu'entre 2013 et 2016, il y a une estimation toujours de Dan Challenger qui rôde autour de 8000 pangolins à ventre blanc. Ça, c'est uniquement pour le pangolin à ventre blanc. Ah, mais il y a beaucoup d'autres chiffres qui sont donnés. Par exemple, il y a une estimation de, depuis le 19e siècle jusqu'au 20e siècle, de 1900 jusqu'à 2019. Il y a des estimations comme ça, mais c'est un peu éparse, en fait. C'est pas, ça ne prend pas toute la période. Mais tout s'accorde quand même actuellement pour dire que les espèces de pangolins, de manière générale, constituent malheureusement le mammifère le plus braconné au monde. Donc ce qui veut tout dire en quelque sorte, c'est la pression est tellement forte sur cette espèce et malheureusement aussi au niveau de son habitat, il est de plus en plus dégradé. Du coup, il faudrait plus d'études sur son écologie pour avoir des chiffres qui soient un peu plus représentatifs que ceux liés uniquement au commerce illégal. Souvent, on entend parler de la grosse demande du marché asiatique. Est-ce qu'on arrive à suivre quelle proportion de pangolins reste pour la consommation locale et quelle proportion est exportée, j'imagine, dans des plus grandes quantités? Parce que c'est vrai que quand on imagine juste des familles qui ponctuellement mangent de la viande de pangolin, on se dit que c'est pas ça le nœud du problème, c'est pas ça qui va provoquer la disparition de l'animal. Donc du coup, c'est grand comme un entité, enfin, comment ça se passe? Effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous. Il n'y a pas en fait une estimation précise. Et je crois que même ça, c'est quand même un gap de connaissances jusqu'à l'état actuel. Parce qu'au Bénin, je n'ai pas eu une estimation, par exemple, du nombre de pangolins chassés par an, ni par exemple sur une période de 6 mois, de 3 mois. Non. Il n'y a aucune donnée liée à cela. Et donc, c'est pour ça tout à l'heure, moi, je me suis appesanti directement sur le commerce international, c'est-à-dire ce qui est saisi au niveau international. Par exemple, en 2018, il a été saisi 513 kg d'écailles de pangolin à l'aéroport de Cotonou. Ah oui, c'est énorme, parce qu'une écaille, ça ne pèse pas très lourd. Donc, 513 kilos, c'est vraiment énorme. C'est ça, kilogrammes. Et donc, voilà une petite estimation. Mais ça, c'est toujours dans le commerce international. Donc, ce qui est connu généralement, c'est ce qui est au niveau du commerce international. Alors, pour quand même avoir des données au niveau local, ça veut dire qu'il faut faire un suivi sur les marchés. Et donc, identifier d'abord le réseau. Par exemple, au niveau local, moi, je viens de le faire. Il y aura quand même une publication que je suis en train de réaliser sur cela, sur les acteurs impliqués, le coût, la dynamique, c'est-à-dire la dynamique du coût lié au coût du pangolin. Lorsque je quitte, par exemple, les chasseurs jusqu'aux acheteurs, c'est-à-dire ceux qui sont au bout de la chaîne, c'est ça. Il y a ça qui est connu. Mais toujours est-il que pour quand même avoir des chiffres précis, c'est-à-dire une estimation précise de ce qui est braconné ou bien ce qui est chassé comme pangolin au niveau local, il faut un suivi sur le long terme pour quand même avoir ces données-là. Mais jusqu'ici, et d'abord quand on dit suivi sur le long terme, ça veut dire quoi? Il faut quand même qu'il y ait des gens qui doivent rester à la fois dans les milieux ruraux, un peu plus proches des habitats du pangolin, mais également sur les différents marchés pour qu'on voit quand même quel est, c'est-à-dire le flux durant une période peut-être de 3-4 ans avant de parler d'une estimation du commerce local. Sans quoi, on ne peut pas donner des chiffres précis. En tout cas, pour ce que je comprends, hein, on ne peut pas donner des chiffres pour l'instant pour dire non, il y a telle estimation, non. Ce serait un peu biaisé, non. Il n'y en a pas. Oui, puisque ce que j'ai aussi obligé de préciser, c'est que tous les deux vous êtes en thèse. Et vous m'aviez dit, quand on préparait cette émission, que même s'il y a eu pas mal d'études sur le braconnage dans vos deux pays, focaliser sur le pangolin, c'est quand même relativement récent. Ouais, donc il faut avoir un peu de recul, quelques années, avant de pouvoir identifier précisément tous les acteurs de ces marchés. Et même cette donnée, je crois que cette donnée manque pour la grande majorité quand même de la faune sauvage. Hein. Même le commerce de viande de brousse, et les estimations ne sont pas encore... On ne peut pas faire une estimation sur une période d'un an ou de 6 mois pour dire qu'on a... Non. Il faut quand même un suivi sur le long terme. Mais juste à présent, à ma connaissance, il n'y a pas encore de suivi sur le long terme de ce qui est du commerce de la faune sauvage au Bénin. Mais du coup, tous les deux, on l'a dit, vous avez cette... En fait, votre travail de thèse, on va le détailler tout à l'heure, repose sur deux aspects. Il y a vraiment ce côté à la rencontre des gens sur le terrain, mais aussi l'outil moléculaire. Moi, je me demandais juste d'un point de vue purement pratique, comment est-ce que vous avez procédé pour aller sur ces marchés, pour discuter avec les gens, pour que ça se passe bien en fait, parce que les gens savent que ce qu'ils font est interdit quand ils vendent de la viande de pangolin ou des écailles. Comment est-ce que vous faites pour avoir des informations sans que les personnes se braquent, quoi, refusent de vous répondre ou évitent vos questions, quoi? Alors, moi, au Cameroun, parce que je fais le suivi des marchés depuis 2014. Et je ne sais pas si je dois le dire ici, mais je suis quand même petit-fils d'un chasseur. Donc, du coup, avant d'aller sur les marchés, j'avais déjà quand même une idée de ce commerce, de comment ça se passe et autres, puisque mon grand-père à l'époque, qui est mort en 2001, il menait cette activité. Donc, j'avais déjà une certaine idée. Mais lorsqu'tu arrives sur le marché, personne ne va te donner l'information que tu souhaites avoir, qui que tu sois. Donc, le plus important, en général, c'est de prendre du temps. On s'intègre et on gagne leur confiance. Petit à petit, ils te donnent une information, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et aussi, lorsque tu as l'opportunité d'avoir une personne à qui tu expliques les objectifs clairs de ton travail et que lui peut comprendre, avec le temps, il finit par convaincre les autres de te donner des informations dont tu as besoin pour cette activité-là. Donc, c'est de cette manière-là que moi, j'ai procédé. Et dans toutes les villes où je suis parti, tu commences par aller... Le schéma classique, tu rencontres l'administration et après l'administration te donne les autorisations, tu rentres au contact du chef de village. Le chef de village réunit ceux qui pensent être des acteurs locaux dans ce domaine-là. Et avec eux, vous discutez. Il y en a certains qui vont te donner des informations, parfois vraies, parfois qui savaient un peu. Un peu, ouais. Donc, plus ils vont te voir, tu peux venir, tu peux venir en une mission, tu n'as pas les informations dont tu as besoin, tu reviens. Pour venir comme, prendre ton temps voilà, et gagner confiance. Comme parfois, tu peux arriver dans une zone où ils ont vraiment, ils comprennent réellement que c'est de la recherche, tu n'es pas un agent de lutte anti-braconnage et que c'est important de comprendre ce qui se passe autour de ces espèces-là. Et ils te donnent toutes les informations dont tu as besoin, ils t'accompagnent, ils t'aident même à rencontrer d'autres personnes dans d'autres villages. Donc c'est un peu ce que par étape. Et vous, Stanislas, c'est passé pareil? Bon, je veux dire, c'est pratiquement pareil. Mais d'abord, normalement, tu peux pas aller dans un milieu collecter des informations et tout en étant un étranger. Non. Bien sûr. Il faut d'abord s'intégrer. C'est la première des choses. Que ce soit sur les marchés ou dans les milieux ruraux, tu dois leur montrer que tu es un des leurs. Ça, c'est important. Ça, c'est une étape indispensable. Sans quoi, tu n'as que des réponses fausses. Et sans quoi aussi, tu n'auras pas les données dont tu as besoin. Par exemple, tu vas sur le terrain, tu vas collecter les données auprès de la population locale, mais tu passes tout le temps en ville, ou des trucs comme ça. Non. Moi, par exemple, pour ce qui est de mon cas, moi, j'ai collecté beaucoup de données, puisque j'ai une thèse un peu large. Et donc, pour le faire, je passe quand même mes jours avec eux. Oui. Je dors là, avec eux. Donc, je fais tout ce qu'ils font. Donc, j'arrive quand même à m'intégrer. Et donc, c'est en s'intégrant que les gens, ils ont beaucoup plus confiance en toi pour te livrer l'information. Et donc, il faut la patience, il faut la persévérance, mais également savoir quand même que tu es un chercheur et savoir ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre aussi. Quelles sont les informations importantes? C'est juste ça. Sinon, dans tous les cas, même que ce soit en France aussi, tu ne veux pas collecter les données et avoir les données. Il faut forcément s'intégrer et c'est juste ça. Alors, l'autre partie importante de votre thèse sur laquelle j'aimerais que l'on revienne pour la fin de cette émission, c'est la partie de l'outil moléculaire. Parce que là, on parle beaucoup du travail de terrain, aller à la rencontre des acteurs locaux. Mais le projet Pangogo, c'est aussi ça. Alors, l'outil moléculaire, l'analyse génétique, en quoi est-ce que ça consiste, ce traçage génétique? Alors, pour ma thèse, je collecte non seulement pour les mammifères, mais au sein des mammifères, je collecte spécifiquement pour le pangolin. Donc, du coup, globalement, lorsque je vais sur le terrain et que j'ai la possibilité de collecter du tissu biologique, je prends des prélèvements. Sur le pangolin, j'ai choisi exclusivement de collecter sur des animaux qui étaient déjà morts. Donc, j'arrivais dans le marché, je trouvais, même si je trouve l'animal vivant, je trouve le pangolin vivant, j'attends qu'il soit acheté par quelqu'un, par un commerçant, et après, lorsqu'on le tue pour le nettoyer ou autre, moi, je ne vais pas dire en profiter, mais je prends, récupérer. À ce moment-là, je récupère l'échantillon dont j'ai besoin. Donc, sur le pangolin, je prenais un muscle ou de la langue, le muscle de la langue ou le muscle du corps. Mais sur les autres espèces, autres que le pangolin, je prenais soit des poils, lorsqu'on ne me permettait pas de prendre un morceau de tissu, un morceau de muscle directement, que je conservais ensuite dans de l'éthanol à 90 ou à 95 degrés. Et ensuite, avec les autorisations nécessaires, on ramène ça ici en France pour les analyses. Mais du coup, ces analyses, donc vous récupérez des morceaux de pangolin. Qu'est-ce que vous regardez au niveau de ce génome et à quoi est-ce que ça va servir du coup? Du point de vue moléculaire, en fait, l'objectif, c'est de tracer en fait, le commerce du pangolin au Bénin. Et donc, pour tracer, d'abord, il faut d'abord connaître la structure, la signature génétique de chaque région. Et donc, c'est ce qu'on appelle, il faut voir si est-ce que la population elle est structurée ou pas. Est-ce que la population du pangolin qui se retrouve au nord a une signature génétique différente de celle du pangolin qui se retrouve dans chaque le centre? Chaque population, du coup, a une signature génétique différente. Bon. Okay. Ça, c'est à voir. Ça, c'est l'outil moléculaire. C'est ce que vous cherchez à savoir. Okay. C'est l'outil moléculaire qui va te donner l'information là. Okay. Et c'est sur la base, si tu as la chance, c'est que la population elle est très bien structurée. Alors, ce qui est collecté sur les marchés, tu pourras quand même les assigner à chaque population donnée. Donc là, c'est beaucoup plus facile. Mais il y a des cas où c'est juste peut-être quelques allèles qui vont essayer de différencier les populations ou bien les régions. Et c'est sur cette base-là que tu vas faire une assignation de tout ce qui est collecté sur les marchés. Donc, en fait, c'est quoi? C'est pour établir en fait, une relation forêt et population des marchés et forêt-source, en fait. Chaque individu qui est retrouvé sur le marché on doit essayer quand même d'identifier de quelle religion provient en fait cet animal, ou bien si on n'a pas, on n'arrive pas à avoir une situation génétique au niveau, je dis population, on passe au niveau région, ou bien, en tout cas, il faut forcément d'abord voir cette signature d'abord avant de passer à l'assignation génétique. Donc, si je comprends bien, en fait, vous regardez dans tous vos échantillons de pangolins s'il y a des points communs entre les animaux d'une même région, s'ils ont la même signature génétique. Et l'idée, c'est d'après de les tracer, en fait, de savoir selon où on l'achète, où il aurait été attrapé. Il y a deux niveaux de collecte, en fait. Le premier niveau de collecte, c'est d'abord sur les aires de répartition de l'animal. C'est-à-dire, je collecte au niveau des populations, des différentes populations. Je suis sûr que pour chaque population, j'ai telle quantité de données, j'ai telle autre. Et maintenant, après avoir fini de collecter dans les habitats du pangolin, je viens aussi collecter les spécimens que je retrouve sur le marché. Et alors, chaque spécimen retrouvé sur le marché provient de quel type de forêt, en fait? Donc, on veut tracer cela. Alors, s'il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas une différence entre les populations du nord et celles du sud, alors, ce que je collecte sur les marchés, je ne peux pas dire alors que ça provient de telle région ou de telle autre. Et donc, voilà, en fait, c'est un peu l'objectif. L'objectif, c'est d'abord de retrouver cette signature génétique, si elle existe. Et sur la base de cette signature génétique, essayer de voir pour chaque individu collecté sur le marché, quelle est la forêt source, en fait. Mais ça, cette signature par population, c'est ce que vous êtes en train de chercher. On ne sait pas encore si ça existe. Oui, on ne sait pas. Jusqu'à présent, on est à l'étape d'analyse. Moi, je suis à l'étape d'analyse actuellement, avec les données microsat. Et donc, c'est quand cette signature va exister. Là, maintenant, on va passer à l'étape d'assignation. Justement, toujours en parlant de ça, c'est l'un des avantages d'être dans un projet comme Pangogo, c'est qu'on a la possibilité de tester les marqueurs moléculaires existants déjà, pour voir si on peut retrouver justement cette signature-là. Mais aussi, dans l'équipe, il y en a certains qui essaient de développer des marqueurs qui vont nous permettre d'avoir la signature et d'avoir un large gamme de choix dans des outils qu'on pourra utiliser pour faire ce travail-là. Donc, à mon sens, c'est aussi un très grand intérêt d'avoir un projet comme celui de Pangogo. Donc, on teste ce qui existe et si on a pas de signature, on n'arrive pas à trouver. Il faut bien qu'on trouve un moyen à un moment ou un autre. Mais dans tous les cas, tout ça participe à la recherche. Au moins, on pourra avoir une certaine idée de ce qui a déjà été fait, de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse avoir réellement un outil capable de nous permettre de tracer le circuit à l'échelle locale, dans l'échelle nationale et à l'échelle internationale. En fait, si je parlais tout à l'heure de structure qui n'est pas encore confirmée, moi je parle de niveau Bénin. Ouais. C'est-à-dire, c'est à l'échelle locale. Sinon, déjà, les études de Gobert et Hall 2016 ont montré qu'il y a 6 lignées de pangolins qui existent. Et il y a la lignée d'Omega, la lignée qui inclut, par exemple, ma région. Mais seulement que vous savez que ça, c'est au niveau un peu plus global, en fait. Ça, c'est entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libye, je crois, Sierra Leone, le Togo, des trucs. Donc, ça, c'est les données qui ont été collectées dans toutes ces régions-là pour quand même essayer de voir. Et cette signature déjà existe. Il n'y a que le pangolin est vendu, par exemple, sur les marchés de dépouilles. Et donc, si au niveau local, nous avons quand même une différence de région qui est non seulement liée au climat, mais à la végétation et aussi à les phénomènes de fragmentation des forêts. Les forêts ne sont pas connectées au niveau Bénin. Est-ce que avec cette fragmentation, avec cette différence du point de vue climatique, est-ce qu'à un moment donné, les populations de pangolins qui se sont réfugiées dans chacun des îlots forestiers, est-ce que ces populations ont divergé? Et donc, s'il y a une évolution, le travail qu'on est en train de faire, alors, s'il y a une évolution qui a créé quand même une divergence du point de vue génétique, on peut quand même observer une structuration au niveau Bénin. Parce qu'on n'est pas parti de rien. C'est parce qu'on sait déjà que les forêts sont fragmentées. On a une différence de zone climatique. Donc, c'est sur cette base-là qu'on s'est dit, OK, on va voir au niveau pays, est-ce qu'il y a encore cette situation qu'on peut quand même détecter? Et si on peut détecter, alors, donc, on peut déjà commencer par faire le traçage déjà au niveau local, avant maintenant même de se dire qu'on va faire un traçage au niveau beaucoup plus global. Et du coup, la conclusion de tout ça, c'est que ce traçage, donc savoir entre les populations au sein des pays, savoir où l'animal a été attrapé et revendu, j'imagine que tout ça, ça a un but de conservation. Ah, ouais. C'est ça le but à terme du projet Pangogo ? Au final, donner à ceux qui ont le pouvoir des décisions, des outils qui vont leur permettre de lutter contre le braconnage, de lutter contre le commerce illégal, national et international, des espèces comme le pangolin. Moi, à l'échelle de mon pays, ma thèse au final, c'est ça. Utiliser le pangolin, les données génétiques que j'aurai sur le pangolin, mais pour tracer de manière globale les circuits de commercialisation de toutes les espèces qui pourront être commercialisées en quelque sorte. Et l'idée, ça serait de mettre des moyens en place pour réduire ce commerce. Qu'est-ce qu'il y aurait comme possibilité d'application pour conserver davantage le pangolin ? En fait, je crois que c'est une très belle question. Et je viens tout à l'heure, par exemple, de vous le dire qu'il y a 513 kg des cailles de pangolin qui ont été saisies en 2018 au Bénin. Alors, on a la preuve qu'on peut quand même assier un individu dont on ne connaît pas la source à une forêt donnée. Alors, ça veut dire que l'outil qui sera développé quand même peut permettre quand même d'identifier les forêts sources au fait de ces spécimens saisis. Au fait, lorsque on a ces informations, déjà sur la base de ce que moi j'ai comme données, je peux savoir au fait quels sont les habitats les plus ciblés par le commerce. Au fait. Et déjà, c'est une information très utile pour un décideur, pour quelqu'un qui veut faire de la gestion. Et si je dis par exemple c'est tel habitat, alors ça devient une priorité de conservation. S'il faut y mettre beaucoup de moyens pour protéger les forêts, s'il faut établir une priorité, la priorité quand même, l'outil moléculaire peut déjà donner la bonne information pour le faire. Un très bon exemple de ce que l'outil moléculaire peut faire sur la conservation d'une espèce. On va finir sur ces mots encourageants, en espérant que vos travaux d'ici quelques années contribuent à la conservation de cet animal. Merci beaucoup Dean, merci beaucoup Stanislas de nous avoir tant appris sur le pangolin et les menaces qui pèsent sur lui aujourd'hui. Merci. On finit comme d'habitude par quelques conseils lecture. Merci. Pour conclure cette émission, je vous propose deux ouvrages qui mettent les pangolins à l'honneur. Le premier livre, Histoire de varier, est une fiction. Il s'agit du livre Un manteau d'écailles pour le pangolin d'Izumi Matei Casalis, paru aux éditions À demi-mot. Ce petit récit de 32 pages au format inhabituel, 10 cm de large pour 20 cm de haut, s'inspire de contes d'Afrique australe et nous expose comment le créateur confronta un jour le pangolin et le ratel, le blaireau à miel africain, et comment il les mit au défi d'être le seul animal à manger le miel des abeilles. Le conte, court et bien rythmé, nous apprend ainsi comment le pangolin obtint ses écailles. Les très belles illustrations colorées de l'autrice, entièrement dans les tons orange et brun avec quelques touches de beige et de noir, participe à l'émerveillement qui accompagne cette histoire. L'ouvrage se clôture avec une rapide présentation naturaliste des trois protagonistes, ratel, pangolin et oiseau indicateur, dont je vous ai déjà parlé dans une chronique précédente. Une petite précision cependant, la coopération entre ratel et indicateur évoquée à la toute fin du livre, même si elle est très souvent rapportée, n'a jamais été prouvée scientifiquement. L'anecdote est courante, je crois que j'ai dans ma bibliothèque au moins 5 livres qui en font mention, mais il est possible que cette coopération entre ratel et indicateur appartienne à la fiction. Restons prudents. Le deuxième livre, paru tout récemment, est un album documentaire jeunesse. Il s'intitule « Le pangolin n'y est pour rien ». Écrit par Laurana Serre-Ghiardi, illustré par Nathalie Dieterlé et paru aux éditions Rue du Monde. Ce grand album de 24 pages est une vraie mine d'or pour en apprendre plus sur le pangolin et le trafic dont il est victime. L'autrice nous présente le comportement de cet animal discret, à la longue langue gluante de 70 cm. On apprend qu'un pangolin peut engloutir 200 000 insectes par jour. Le livre évoque également le braconnage et les mesures qui sont mises en place pour venir en aide aux pangolins. Le livre se clôture sur l'évocation du coronavirus qui a ébranlé l'humanité en 2020 et la maladie qu'il déclenche, la Covid-19. Même si on a suspecté que le pangolin pouvait être un hôte intermédiaire impliqué dans la transmission de la maladie aux humains, une chose est sûre, le pangolin n'y est pour rien. Ce sont bien les activités humaines, la destruction de son habitat et le commerce de sa viande et de ses écailles qui sont responsables de cette panade, pas l'animal. Les grandes illustrations colorées aux couleurs éclatantes de Nathalie Dieterlé apportent de la douceur et de la gaieté à une constatation assez déprimante. Un superbe ouvrage pour en apprendre plus sur cet animal encore méconnu et comprendre les enjeux qui l'entourent. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse et à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières et d'ici là, gardez la pêche.